tableaux, des meubles, des copies. Je vis dans un château ignoré des beaux-arts. Tous mes titres sont faux comme mes armoiries, et jusqu'à mes purs sangs qui ne sont que bâtards. Fausse ma particule, fausse mes collections, qui dans le vestibule force l'admiration. Mes bijoux sont factices, ainsi que mes aïeux. Il n'y a que mes varices qui drainent du sang bleu. Entre de faux amis snobs et sans consistance, mon orgueil s'abandonne à leurs faux sentiments. Et traînant mon ennui dans une fausse ambiance, je ne trompe personne et pas même le temps. Faux mes trophées de chasse et faux le protocole de ce valet sans glace qui arbore un faux col. Fausse mes confidences, mes actions, mes projets, et jusqu'à ma pitance faite de faux filets. Une femme bizarre de la vieille Russie, sur mes chaises d'un louis qui n'a jamais eu cours, vient me parler du tsar qui l'a trouvé jolie. Moi je sais que Lily est née dans le faubourg. Faux l'âge qu'elle avoue, faux son accent curieux, faux l'amour qu'elle me voue, faux ses longs cils soyeux. Et fausse sa poitrine, et faux mes sentiments. Love.